relativement rapidement pour chacune des questions, essayer d'en répondre le plus possible. Essayer d'en sortir quelques-unes qui avaient rapport à la parole juste. Lorsqu'on me demande si je peux être à tel endroit pour 5 heures, je dis oui. Ou lorsqu'on me demande si je vais être à tel endroit pour 5 heures, je dis je ne sais pas, je vais essayer. Est-ce juste, réaliste ou ignorant? Je ne sais pas, je vais essayer, c'est une parole fausse. Parce que de toute façon, c'est évident qu'on ne sait pas puis qu'on va essayer. Alors, ça ne vaut même pas la peine de le dire. Par contre, qu'est-ce qu'on doit dire? C'est ce que nous, mentalement, on veut. Oui ou non? Alors, je vais être à tel... Vas-tu être à tel endroit, à telle heure? Oui. C'est tout. La personne ne peut te dire, ah, ben, tu m'avais dit que tu serais là à l'heure. Effectivement, c'est ce que je t'ai dit. T'as qu'à plus me croire. Parce que c'est ce que tu voulais. Tu voulais être là à 5 heures. C'est évident. Alors, ça sert à rien de toujours dire oui. Bon, c'est simple. Tu te lances en affaire, pense ça au marché. Oh non, non, je me lance en affaire, je suis sûr que ça ne marchera pas, ça marchera pas. Sinon, je me lance pas en affaire. Ben oui, niaiseux. Question qui se pose pas. Bon, ben même affaire, vas-tu être là, t'es là? Oui. Oui. Alors là, vous vous supportez. Vous vous arrangez pour être à la hauteur de votre parole. Je ne supporte pas, ça. C'est l'affaire à lui. Ma parole bégaye souvent. Lorsque mon ego est en présence de quelqu'un qu'il juge supérieur, ma voix bégaye. J'ai beau éduquer mon ego, l'observer, détendre mes muscles, ma voix bégaye encore. J'ai le droit de bégayer, je le sais, mais c'est parfois un handicap social et pour le travail. Quelle est la solution? Bon. Premièrement, l'être humain n'a pas le droit de bégayer. Il bégaye ou il ne bégaye pas. C'est pas une question de droit, c'est une question de fait. Quand une personne se dit « j'ai le droit de bégayer, je le sais », c'est une personne qui a dû surmonter à un moment donné un handicap psychologique, social, assez grand, qu'elle a fini par s'autoriser légalement, disons le droit, à bégayer. Il n'est pas question de droit. On devrait juste aller un petit peu plus loin puis laisser faire le droit. Si on bégaye, on bégaye. Si on ne bégaye pas, on ne bégaye pas. C'est simple. Et comment l'être humain peut arriver à faire pour ne pas bégayer lorsqu'il rencontre un ego plus puissant que lui ou une personne qui énergétiquement l'impressionne? Ce qu'elle a à faire, c'est de s'observer. Je le dis souvent, c'est une recette qui est miracle, sauf qu'elle prend du temps avant de fonctionner, et elle fonctionne exclusivement si on l'applique. C'est que lorsque l'individu va commencer à bégayer, sur le moment même où elle bégaye, elle doit s'observer puis trouver ça con. Elle ne doit pas se trouver con parce que ce n'est pas elle qui bégaye. C'est son corps physique, puis c'est quelque chose qui veut absolument l'empêcher de s'exprimer convenablement. Lorsqu'elle vient pour dire une chose, eh bien, tout le système laryngé devient déphasé. Le système laryngé, tout à l'heure, j'ai expliqué, c'est une partie du corps vital, un chakra, un carrefour d'énergie, qui sert à coordonner la pensée, l'intelligence, donc l'énergie qui va s'exprimer, le système musculo-pulmonaire, les cordes vocales, la langue, la bouche, etc. Et lorsque l'individu, lorsque l'ego rentre avec, en contact avec une énergie un peu plus puissante ou auquel il place de l'autorité, eh bien, il est tellement impressionné que le périsprit de l'âme vibre à une vitesse suffisamment désordonnée pour que le centre laryngé devienne désordonné, puis l'individu commence à bégayer. Chose certaine, c'est que l'individu devrait se pratiquer devant n'importe qui l'impressionne à parler lentement avec un contrôle plus tétanisé sur son système musculaire. Ça veut dire quoi, tétanisé? Ça veut dire qu'on peut lever la main, on peut baisser la main. Tétanique veut dire ceci, je contracte toutes les muscles et je laisse aller ma main dans une des deux directions. Très tétanisée, elle ne bouge plus, elle tremble. Mais je peux la faire bouger. La faisant bouger, elle cesse de trembler. Alors l'individu qui a de la difficulté, c'est évident que son ego va manger une claque s'il commence à faire ça devant quelqu'un. Qui en mange la claque, il va finir par cesser de faire bégayer. Il y a un travail à faire, il faudra que la personne évolue à travers son bégaiement, c'est-à-dire il faudra qu'elle s'en égoïse. Tant mieux, l'ego va fondre un peu. Et on n'a pas le droit de bégayer. C'est comme de dire, j'ai le droit de péter. Non, tu pètes ou tu pètes pas. Mais ça te regarde même pas, c'est une question de biologie, c'est une question de manipulation. Si on bégaye, on bégaye. C'est tout. C'est un handicap pour les autres, ça ne doit pas en être un pour soi. C'est évident que ça nuit du point de vue de l'expression d'un langage juste. Et puis on doit trouver ce con, le bégaiement. Pas nous! Puis on doit tétaniser son système musculaire pour arriver à contrôler sa parole. Y a-t-il un moyen par lequel on peut s'améliorer plus rapidement qu'un autre? Exemple, soit par un exercice particulier, soit par un chant, soit par un objet, etc. Bon, un chant ou un objet équivaudrait à têter de l'énergie. Et il n'y a pas moyen d'évoluer en étant un voleur. Bon. Un exercice particulier, oui. Cet exercice s'appelle l'observation. L'observation veut dire donner de l'énergie au plan mental pour que celui-ci devienne lentement le maître contrôleur à bord du corps physique de l'homme. Présentement, c'est l'astral, l'ego, qui contrôle le corps de l'homme en sécrétant, en s'exprimant par le système endocrinien, par le système hormonal qui sécrète des hormones qui manipulent le corps, qui le vieillit et le rend malade, et qui l'empêche de faire tout ce que l'humain veut faire. Exemple, il vous fait transpirer quand c'est pas le temps, votre cœur accélère quand il faut pas, on bégaye quand on veut pas, etc. L'individu qui s'observe a donc un exercice intéressant. À travers la culture de l'observation mentale, alors il y a énormément de techniques, mais il n'y a pas de truc rapide de l'évolution. Il y en a. Un truc rapide, ça s'adresse à celui qui n'en a pas besoin. Ceux qui en ont besoin ne peuvent pas appliquer un truc rapide. Alors nécessairement, il n'y a pas de truc rapide accessible, mais il y en a. L'individu doit donc s'observer. S'observer, cela veut dire vivre. Vivre, cela veut dire encore fonctionner à travers les essais, les erreurs, l'évolution de typique de l'animal humain. S'essayer et goûter pour arriver à discerner. Lentement, l'humain va arriver à cette parole juste, à ce contact avec son ajusteur de pensée, avec un savoir instantané qui va lui dire ce qu'il a à savoir. Il n'y a pas de truc rapide. On s'observe. On doit être conscient de son corps physique. J'appelle cela menphiser. On doit être capable de cellulariser ce que l'on vit, donc de codifier du point de vue de l'ADN notre évolution. Cela est transmissible génétiquement, ce qui aide un peu plus les enfants qu'on met au monde par la suite. Et cela nous permet aussi de conserver ce qu'on a acquis. On n'a donc pas besoin de pratiquer les techniques toute notre vie. Quand on meurt, on ne les pratique plus, puis on perd encore ce qu'on avait avec les techniques. Alors, il n'y a pas de truc magique. Il y a énormément de cheminement, il y a énormément de choses que l'on peut faire. Il y a beaucoup de paramètres à mettre, mais c'est question d'éducation. Il y a énormément de phénomènes à faire. Ça prend quand même pas tant de temps que ça. Une personne qui mettrait, disons, 8 heures par jour, 7 jours sur 7, à travailler sur son évolution, bien dedans de 5 à 7 ans, si elle se fait bonne élève, eh bien, elle arrive normalement à un résultat qui est extrêmement supra-impressionnant. Est-ce le mot « oui » ou « non » qui contient le plus d'énergie de puissance ou sont-ils potentiellement égales, décrivez? Le mot « non » contient beaucoup plus d'énergie que le mot « oui ». Parce que le mot « non » est l'expression pure de l'intelligence chez l'homme. Quelqu'un qui a la capacité de dire « non » est un être intelligent. Quelqu'un qui n'a pas la capacité de dire « oui » est un être stupide. L'intelligence s'exprime par le « non ». L'ajustement s'exprime par le « oui ». Un individu faible qui n'est pas intelligent est un esclave. Il ne peut pas dire « non ». Celui qui dit toujours « non » est un être peureux ou stupide. C'est pourquoi donc la première chose que l'humain doit apprendre, c'est de dire non. J'ai même déjà fait une conférence complète sur la puissance du non, N-O-N. Alors, ils ne sont pas égaux du point de vue énergétique. Le non est beaucoup plus puissant et comme je le dis souvent, quelqu'un te demande quelque chose, dis non. Si tu l'appelles 2 heures après pour dire que tu as changé d'idée et qu'il va te trouver faim. Mais dis jamais oui pour le rappeler 2 heures après pour dire non et que tu es un écœurant. Le non est beaucoup plus important. Parlez-moi du genre de responsabilité que je porte quand ma parole effraie la personne devant qui je la prononce. 95% de la responsabilité appartient à l'individu qui a peur ou qui s'effraie. Si on connaît déjà les lacunes de l'individu et qu'on vient quand même, sans s'ajuster, sauter devant elle du point de vue oral, eh bien là, nécessairement, on crée une inharmonie écologique. On brûle de l'énergie. Alors, votre responsabilité, elle est simplement en fonction de l'individu, de sa réaction. La conséquence que ça va donner chez lui, c'est tout. Quel est le rapport de force à utiliser dans la parole avec autrui pour conserver le respect? On ne peut respecter que ce qui est respectable. Plus on devient intelligent, plus on respecte l'intelligence. Alors que l'intelligence habite un corps noir, un corps jaune, un corps gros, un corps handicapé, un corps blanc ou un corps laid, selon les pronostics de la normalité, on respectera. Quand on a une parole juste, de toute façon, on respecte. Mais on ne peut pas respecter quelque chose qui n'est pas respectable. Qu'est-ce qui n'est pas respectable? Quelqu'un qui ne se respecte pas n'est pas respectable. Lorsque je viens devant un individu, il le fait d'ouvrir ma trappe, eh bien, il s'écrase totalement. Je ne peux pas me mettre à ramper moi aussi. On ne peut pas faire affaire ensemble, ou bien non, c'est moi qui gagne, c'est simple. Je le respecte. Je le respecte en tant que ce qu'il est. Je ne peux pas respecter un individu plus qu'il se respecte. Ce serait absolument inécologique. Ce serait lui donner l'illusion qu'il est plus grand qu'il ne l'est. Alors, il n'essaiera même pas de grandir convaincu qu'il a atteint le but. Je préfère être un miroir. il se verra. Et s'il se voit, s'il a la conscience d'évolution, il évoluera. Je ne l'aurais pas aidé, je ne l'aurais pas poussé, je l'aurais respecté. Mais du point de vue d'énormément d'égo dans notre société ou sur notre planète, respecter veut dire mentir. Être poli. Est-ce que je suis bien habillé? Oui, même s'il l'est. Oui. C'est ça, respecter dans notre société. On ne respecte pas comme ça, on rit des gens. Alors, respecter veut premièrement dire annoncer la réalité. Et on ne peut pas respecter quelqu'un qui ne se respecte pas. Quelqu'un qui vous dit oui, puis parce que vous dites non, il vous dit non. Respectez-le pour ce qu'il est. Pas grand-chose. Comment transmettre une idée, un état, un sentiment sans qu'il y ait interprétation par la personne à qui on s'adresse? Comment être compris dans la neutralité? La meilleure façon de vérifier si l'autre a compris, après lui avoir expliqué, on lui demande de nous réexpliquer et on le corrige au fur et à mesure qu'il parle. On sera sûr qu'il aura compris. Si une parole juste ne peut être interprétée par l'auditeur, comment expliquer le phénomène de la déception de l'entourage d'un personnage qui dit parler juste? Il faut faire extrêmement attention du point de vue de la déception. Est-ce que les individus interprètent mal ces paroles ou si les individus ont de la misère à supporter ces paroles? Ce qui est extrêmement différent. Un individu qui dit parler juste peut parler juste. On n'a qu'à observer simplement sa parole. Et si sa parole est juste, nécessairement, les individus qui sont autour de lui, qui sont un peu plus faibles, auront des difficultés. Ils n'auront pas le choix. Je viens d'expliquer que celui qui avait une parole juste, souvent, était un miroir. S'il est un miroir, nécessairement, il nuit. Celui qui a une parole juste n'est pas parfait. Il a une parole juste. C'est déjà beaucoup. Par contre, ceux qui peuvent vivre avec lui peuvent avoir de grandes difficultés pour la simple raison qu'il est un miroir. Quelle est la mécanique qui corrige le mauvais usage de la parole qui s'impose? Premièrement, bien conscientiser les mots faux. Bien conscientiser ce que l'on dit. Est-ce que nous avons dit ce que nous voulions dire avec le minimum de mots possibles et avec le maximum de subtilité, c'est-à-dire d'ajustement entre ce que nous voulons dire énergétiquement et ce qui est dit oralement? Ça, c'est la mécanique. Observer, s'écouter, parler. Cheminer avec notre parole au fur et à mesure qu'elle sort. Alors, on aura une bonne idée de ce que l'autre comprend. Quelle est la mécanique qui corrige le mauvais usage de la parole qui s'impose? C'est l'ajusteur de pensée qui va ajuster la parole et ajustant la parole, parole qui instruit l'ego, donc qui instruit la structure même qui interprète la pensée, la parole ajuste la pensée et l'ajusteur de pensée qui ajuste la pensée le fait par la parole. La mécanique, elle est assez simple. Chaque fois que l'individu commence à parler, il vient dans sa tête une mécanicité, une forme d'énergétique, une forme de sensation qui fait bifurquer ce que l'humain veut dire. Les symptômes d'un ajusteur de pensée qui commence à ajuster la parole, qui donc finalement va ajuster la pensée elle-même, vont être dans le genre de personnages qui vont dire, comme j'entendais une fois à la radio, une dame qui disait à une personne, « Ah, je pense que c'est dangereux. » Mais non, si je dis là, je pense pas, c'est dangereux. Mais elle n'a eu aucune conscience de ce qu'elle venait d'exprimer. C'était formidable d'entendre ça à la radio, son ajusteur de pensée. Elle a eu cette bifurcation. D'autres personnes vont dire, « Oh ben, oui, ils allaient dire, peut-être. » Et d'autres vont finalement dire, « Oui. » Bifurcation, incontrôlée. Ce sont des mécaniques. Que peut-on mettre en pratique après votre séminaire? En quoi peut-il être utile? Ça, il faut le faire pour le savoir. Hein? C'est pas moi qui vais commencer à vous dire à quoi mon séminaire peut être utile. L'individu qui le fait... il le fait. L'individu qui ne le fait pas, ne le fait pas. Certains en ont besoin, certains n'en ont pas besoin. Qu'est-ce qu'on peut mettre en pratique? Il y en a qui suivent des cours de boxe, puis quand ils sortent du ring, eh bien, ils se font casser la gueule, puis ils boxent même pas. Bon, ben, qu'est-ce qu'il faut mettre en pratique? Ça dépend simplement de l'individu. Je dis souvent que si vous me garantissez la matière première, je vous garantirai le résultat. Avoir réponse à tout, est-ce cela avoir une parole juste? Si oui, ben, on va te laisser répondre avant. Non. Avez-vous réponse à tout? Je n'ai pas réponse à tout, j'ai réponse seulement aux questions qu'on me pose. Et vous n'avez pas la capacité de poser toutes les questions. Vu les propriétés radioactives de l'argile, est-ce dangereux de boire de l'eau d'argile pour se guérir de certains problèmes physiques? toute guérison amène une lutte interne. Toute lutte interne laisse des effets secondaires. Quel que soit le médicament, il y aura des effets secondaires. La radioactivité de l'argile est d'ailleurs le principe même qui permet souvent la guérison. La radioactivité de l'argile est de deux ordres, radioactivité d'ordre vital, tellurique, qui n'est à peu près pas décelable par un compteur Geiger, et radioactivité du point de vue rayonnant, qui, elle, est décelable. Évidemment, quand on en prend trop, on crée une irradiation intérieure. Présentement, l'humain qui est, pareil, je vous donne un exemple, tous ceux qui sont proches des colonnes et des murs, vous avez une dose de radiation plus grande que ceux qui sont au milieu de la salle. Le plancher émet aussi de la radiation. La majorité des maisons construites en briques émettent énormément de radiation. Un individu qui fait un vol d'avion Montréal-Vancouver en reçoit autant qu'un individu qui reste dans une maison pendant un an. Alors, on est continuellement sujet à un rayonnement ionisant, donc à une forme d'irradiation. On est capable d'en tolérer une certaine dose, et cette dose ne doit évidemment pas être dépassée ou trop cumulative. Quand on prend de l'argile, on augmente la dose de radiation d'une façon quand même assez sensible, et on doit, de temps en temps, cesser ce genre de traitement pour permettre au corps physique de rééquilibrer, donc de laisser restabiliser ou de baisser un peu son taux d'irradiation. Ce n'est pas dangereux et ça peut l'être, ça dépend de l'individu, du corps physique. Normalement, on peut avoir des problèmes au niveau des cancers, du centre laryngé, de la langue, de la bouche, de l'estomac, des intestins. Mais ça dépend, il faut quand même manger de la terre pas mal. Est-ce que le chauffage électrique peut nuire au sommeil en interférant avec certaines ondes mentales ou s'il est neutre? Le corps physique de l'homme est entouré d'un périsprit, d'un corps vital. Dernièrement, on annonçait que par des champs électromagnétiques, on pouvait guérir des maladies. On se rendait compte que le champ électromagnétique électrique ou électronique avait la faculté de perturber le corps vital de l'homme. Le perturbant positivement, il guérissait. Le perturbant négativement, il le rendait malade. Dernièrement, on a même après, pas des études, non, essais et erreurs. Il y a eu tellement de cancéreux qu'on s'est rendu compte que les lignes à haute tension en courant continu engendraient le cancer. Champ électromagnétique. Assez qu'on ne veut plus les avoir au-dessus de nos têtes. Les courants alternatifs font la même chose. Un courant alternatif a aussi l'avantage d'engendrer des perturbations électromagnétiques négatives, positives, négatives. On a un courant de 60 cycles secondes, donc ça change 60 fois par seconde. Et si dans nos maisons, nous ne sommes pas entourés dans nos murs de fils blindés, il y a plein de champs électromagnétiques partout. Alors nécessairement, ça perturbe notre corps physique, notre corps vital. Je dis que lorsqu'il y a une panne de courant, il y a un bruit qu'on n'entend jamais, qu'on n'entend plus. Eh bien, on dort avec ça. Normalement, on devrait éteindre les disjoncteurs quand on va se coucher. Chauffage électrique, en plus de créer des ions positifs, extrêmement négatifs pour la santé, les ions positifs, hein, c'est négatif pour la santé, eh bien, il y a tout le courant électrique qui demande énormément d'ampères, et ça crée énormément de champs électromagnétiques qui perturbent énormément le sommeil ainsi que la vie des individus. Nous parlons de la parole fausse et je réalise que cela peut nous nuire. Mais que penser de la pensée fausse? Peut-elle détruire davantage que la parole? La pensée fausse ne détruit presque pas l'humain, parce que la pensée n'a aucune puissance. C'est une vraie farce, la pensée. À part nous assujettir à elle, parce qu'on pense que c'est nous autres qui pensons, alors qu'on ne pense pas. Puis l'exemple que je donne, bien, vous n'avez qu'à faire l'expérience quand vous voulez dormir le soir et que ça pense dans votre tête. C'est pas vous autres qui pensez. Alors, la parole détruit beaucoup plus que la pensée. La personne qui mijote ces choses, elle s'énergise. C'est lorsqu'elle vient en parler qu'elle se concrétise et qu'elle affirme ce qu'elle pense. C'est là qu'elle se détruit. Avoir des enfants, c'est diluer notre énergie personnelle dans plusieurs autres personnes et c'est multiplier sa propre vulnérabilité, car on est atteint par ce qui atteint les enfants. L'humain a horreur de diminuer en énergie et d'augmenter sa vulnérabilité. Avoir des enfants est-il sensé? Avoir des enfants et les instruire dès leur bas âge. Premièrement, le fait de mettre des enfants au monde prend de l'énergie vitale chez l'être humain pendant un petit laps de temps. Et l'être humain, après avoir eu ce vide, comme n'importe quel corps physique, après avoir manqué un peu, redonne un regain et ramasse un peu plus. Et par la suite, il va se stabiliser. Donc, il y aura une courbe descendante au niveau énergétique. Par la suite, ça va remonter, ça va se restabiliser. Donc, on n'est pas perdant. L'être humain qui a des enfants ou qui a un enfant et qui l'instruit en bas âge, qui lui permet d'être intelligent, c'est compliqué aujourd'hui dans nos sociétés, ça a toujours été compliqué sur la planète d'ailleurs, eh bien, non seulement il ne perd pas d'énergie, mais en plus, il s'associe à un autre réservoir d'énergie, à un autre condensateur d'énergie, à une autre antenne. Si le travail est convenablement bien fait, les deux deviennent des associés, en plus d'être des amis. Mais on n'a pas des enfants. On ne peut pas posséder. Surtout un enfant nouveau, c'est comme un chat. Il reste chez vous, mais il ne vous appartient pas. Alors, nécessairement, lorsque l'être humain a un enfant, donc lorsqu'il le met au monde, s'il est convenablement instruit, pas élevé, puis pas éduqué, instruit, il devient un regain d'énergie pour la famille. C'est extrêmement sensé. Beaucoup d'erreurs sont répétées parce qu'on n'a pas un bon feedback tangible de ce qu'on a fait. Y a-t-il des trucs pour augmenter la qualité, la quantité de feedback dans tout ce qu'on fait ou dit? Habituellement, on me pose la question inverse. Y a-t-il un moyen pour que je sois moins sensible? Alors, ne cherchez pas trop à augmenter la quantité, la qualité de l'onde de retour, le feedback. Par contre, l'être humain, lorsqu'il voit quelque chose, il n'a qu'à observer et à légiférer. Veut-il faire mieux? Est-ce intelligent ce qu'il a fait? Était-ce conséquentiel? Est-ce écologique? Est-ce simplement logique? Si ce n'est pas logique, si ce n'est pas conséquentiel, si ce n'était pas parfait, autant qu'il peut le concevoir lui-même, c'est très facile. L'être nouveau vous parlera d'esthétique. Alors, ce que vous faites, est-ce esthétique? Et tant que ça sera esthétique, ça sera correct, ça sera parfait. Vous avez suffisamment de retour au niveau de l'onde de retour. Mais deux jours après, ça peut être moins esthétique. Vous avez changé, vous avez évolué, ou vous avez involué, temporairement, du point de vue énergétique. Pas besoin de moyens pour être plus sensible. Continuez à intelligencer ce que vous faites. Vérifiez si c'est esthétique. Qu'est-ce que c'est esthétique? On en parlait à un moment donné. Il y a une personne âgée qui reste chez vous. Vous êtes propriétaire. Personne ne reste en haut. Et à un moment donné, vous vendez. Et on va rénover, faire un condo là-dedans. Fait que la personne âgée, elle sera morte aux poubelles. Vous faites quoi? Le très, très conscientisé, il va dire, ben, c'est son carbone. Pff, qu'est-ce que démerde? Ça, c'est le conscientisé qui devient un MTS, un martyr de la transition supramentale. Il y a celui qui est totalement assujetti. Ben oui, mais pauvre personne, je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est celui qui est un normal. Très, très, très manipulé par son émotivité. Il ne peut pas prendre de décision logique, il prend des décisions émotives, il se fait souvent avoir. Il y a celui qui est capable de s'ajuster, qui est relié à une énergie bouddhique, une énergie plus aimante, plus écologique, et une énergie intelligente. Et lui, il cherchera la solution esthétique. Vendre la maison sous condition qu'on reloge la dame, ou le monsieur, ou qu'on le garde là, ou qu'on le place quelque part où on s'en occupe, il y a une solution esthétique. L'humain, au lieu de chercher quelle est la solution morale, ou ci ou ça, il fait ce qu'il croit être esthétique. Une fois qu'il a accompli son acte, c'est esthétique pour lui, c'est ce qu'il pouvait faire de mieux. Comment vérifier? C'est simple. Continuez à trouver ça logique, conséquentiel, intelligent, esthétique, et vous saurez. Et à la longue, votre raffinement va s'amplifier sans que s'amplifie la souffrance reliée à ça, à la sensibilité. Je suis fâché parce que je me demande pourquoi je suis venu m'embêter ici. Deuxièmement, je me demande pourquoi je ne suis pas parti. Ben, c'est ça, on continue à vous poser des questions, c'est comme ça qu'on évolue. Je fais du mouvement d'alcoolique anonyme et depuis que je viens ici, je sens que je me détache de la spiritualité dont on nous enseigne. Que se passe-t-il en moi? La spiritualité que l'on vous enseigne est une spiritualité qui ne vous appartient pas. Elle est là pour supporter l'humain tant que l'humain n'est pas capable de se supporter. Lorsqu'un individu arrive à comprendre d'autres principes, la spiritualité qu'on lui a enseignée lentement va disparaître pour un contact avec l'esprit. Donc, il aura une spiritualité propre à lui. La spiritualité qu'on lui a enseignée n'est pas mauvaise. À un moment donné, elle devient désuète pour lui. C'est une marche et on doit monter les marches. C'est simplement simple. C'est logique. C'est très bien. Est-il bon de faire des projets d'avenir à long terme? On peut parler des futurs possibles. Ben, c'est très bon de faire des projets d'avenir à long terme. Ce qui est mauvais, c'est de croire que ça va aboutir. Mais on peut en faire tant qu'on en veut. Il n'y a aucun problème. Ça, ça ne dérange pas. Par contre, penser que ça va arriver... Non, j'ai déjà expliqué certaines choses au niveau des futurs possibles, au niveau de la préscience, comment cheminer pour éliminer des futurs possibles. Quand on projette trop loin à long terme, on peut être sûr que tout peut arriver sauf ça. Alors, il faut faire attention à ces projections pour ne pas détruire ce que l'on veut aller chercher. Et on est 5 milliards, 300 millions, le chiffre est inexact, sur la planète. Alors, si on fait 5 milliards de projets d'avenir, où on projette la même chose, où il n'y aura pas grand-chose qui va aboutir. On va tout acheter le même billet de la 1649. C'est ça, on va gagner une pièce chaque. Là-dedans, je vais gagner ta pièce, je vais gagner la mienne. La densité égale la masse sur le volume. L'homme nouveau augmente sa densité. Est-ce la masse qui augmente? Si oui, de quelle masse s'agit-il? Bon, évidemment, c'est pas le volume. Une chance. Une chance. La masse, ce n'est pas le poids. Le poids, c'est la réaction entre deux masses. Le poids est égal à la courbure géospatiale qui entoure une masse. Alors, il y a d'autres choses qu'on peut expliquer. F égale MA, tu connais ça? Oui. Bon, la force égale la masse, mais François, c'est égal à Maurice. Oui, c'est ça. F égale à MA. Ça, c'est même que tu te rappelles de ça, c'est bien. Ouais. T'as coulé? La main grande. T'as coulé, t'as réussi en français, t'as coulé en poésie, t'as coulé en physique, c'est ça. Quelle est la masse qui s'amplifie chez l'être humain? La masse, c'est une masse qui est atomique, c'est une masse qui augmente le potentiel du noyau en termes d'énergie. Normalement, dans une structure atomique conventionnelle, normale, lorsque le noyau voit son potentiel d'énergie augmenter, l'électron descend d'orbital et vient sur un orbital beaucoup plus proche jusqu'à un maximum d'électrons par orbital qui, normalement, va engendrer une mutation de la structure atomique et augmenter la masse du point de vue des orbitales, des électrons et du noyau. On n'a à peu près jamais ce genre de vision. Normalement, la structure atomique étant inharmonieusement équilibrée, on aura trop d'énergie au niveau des orbitales, ce qui va faire en sorte que les électrons vont s'éloigner du noyau. Lorsqu'on soutient de l'énergie au niveau des électrons, les électrons descendent d'orbital. Lorsqu'on augmente d'énergie au niveau du noyau, les électrons sont réattirés. Chez l'homme nouveau, chez la femme nouvelle, chez l'enfant nouveau, du point de vue neuronique pour commencer, et finalement, cela va s'étendre au niveau du système endocrinien, du système respiratoire, du système musculaire, du système osseux, du système nerveux et finalement du reste du corps. Il y aura amplitude d'amplification de la structure atomique du point de vue du noyau. Lentement, toutes les orbitales constituant la structure moléculaire du corps physique vont se regrouper autour du noyau. Lentement, l'énergie va continuer à augmenter dans chacun des atomes et les électrons vont devoir augmenter leur vitesse de façon à équilibrer l'attraction du noyau. Augmentant leur vitesse, ils vont finir par être absolument inlocalisables au niveau de la structure atomique. Présentement, on ne sait pas par où un électron passe pour cheminer d'un point à un autre, bien qu'on sache où il est ou où il était. À un moment donné, ces électrons qui seront constituants de la molécule du corps physique d'un homme nouveau, d'une femme nouvelle, d'un enfant nouveau, ne pourront plus, ces électrons, être localisés. On ne saura plus où ils sont. Pourquoi? Parce qu'ils seront partout en même temps. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle l'instantanéité. Le potentiel énergétique de chacun des atomes de l'homme nouveau sera un point tel, vibrant, que la masse va commencer à s'amplifier. La masse s'amplifiant, la courbure spatiale, la courbure temporelle autour de l'homme qui impose sa masse à l'extérieur va commencer à s'amplifier. Et lentement, le temps de l'homme nouveau va s'enligner en fonction de ce qu'il a à faire. Donc, il va soumettre et assujettir tout ce qui a une courbure géospatiale plus faible que lui, tout ce qui a une masse inférieure. Sa masse va aussi attirer, créer une attraction autour de lui, et les gens vont commencer à se regrouper autour de lui. C'est une des problématiques de l'évolution énergético-atomique du corps physique d'un homme qui est en conscientisation ou en fusion avec un double éthérique. Et lentement, eh bien, le corps physique deviendra suffisamment solide que du point de vue d'un humain normal, il sera un peu plus dur que l'acier. Alors que du point de vue d'un autre homme nouveau, il sera aussi tangible que votre corps par rapport à vous-même. Ce qui fait qu'à un moment donné, lorsqu'un être humain a totalement fini sa fusion, eh bien, si on tire une balle de fusil sur lui, la balle s'aplatit sur lui. C'est ce qui arrive. Et ne demandez-moi pas comment sont ses excréments. Bon. Ça casse les bols de toilette. Tu dis qu'il y a une destinée collective, mais pas de destinée individuelle, qu'on sait qu'il y a telle chose à être vécue, mais qu'on ne sait pas par qui. Si la création s'est faite et résorbée à 1 millième de seconde, les destinées individuelles ont été faites simultanément avec ta destinée collective, c'est mathématique. Et donc, on sait exactement que j'avais à être ici vendredi soir le 21 octobre. Quand tu dis « on ne sait pas qui », le « on », est-ce toi ou l'intentionnalité? Bon. Tant que l'être humain est assujetti par sa mécanique psychologique, c'est bien évident qu'il n'a pas de conscience individuelle. N'ayant pas de conscience individuelle, il ne peut pas avoir non plus de liberté ou de destinée individuelle. Il est assujetti à la collectivité. La collectivité a une forme de libre-arbitre, alors que l'individu dedans n'en a pas du tout. La majorité des personnes qui ne sont pas suffisamment individuelles, effectivement, c'est extrêmement mathématique de prévoir où ils seront dans un... Thank you. physique dans un temps et un espace donné. Et c'est de ceux-là que je parle quand je dis qu'il y aura des gens qui seront riches, des gens qui seront pauvres. Il y en aura X nombre, mais on, le cosmos, on exclut celui qui parle, mais on ne sait pas qui. Du point de vue de l'évolution de l'animal humain conventionnel, celui qui passe sa vie à chialer, à crier, à sécréter, eh bien, lui, c'est mathématique, c'est très facile. Celui qui commence le moindrement à avoir une conscience, à avoir une libre conscience chez lui, à avoir de l'intelligence, on ne sait pas quel chemin il va prendre. Même si tout est résorbé, dans la structure du temps, il y a plus de 15 milliards d'années. Pour la majorité des humains, on n'a aucune idée ce que c'est que 15 milliards d'années. C'est 15 milliards de rotations, de translations planétaires autour du Soleil. Ça veut dire 1, 2, 3, 4, 15 milliards de fois. Hein? Je ne compterai pas jusqu'à 15 milliards. Puis ça prend 365 jours approximatifs pour faire 1. Si la vitesse de rotation n'a pas toujours été la même... Elle n'a pas toujours été la même, on ralentit. Le temps ne serait pas le même. Le temps n'est pas le même non plus. Le temps s'étire. Le temps s'étire, donc 15 milliards d'années, on peut pas y mettre un temps parce que le temps d'aujourd'hui n'est pas le même temps qu'hier ou... Non. Est-il possible que la main virile et poilue ne soit qu'un ancien fœtus qui se blottit dans le corps de sa mère? C'est pas de toi qu'elle parle. Un ancien fœtus qui se blottit sur le corps de sa mère. Il faut remarquer qu'il y a énormément de parties égoïques chez l'homme qui se blottit sur le corps de sa mère, sur le corps de sa fille, sur le corps de sa femme. Et bien souvent, il y a des femmes qui se blottissent sur le corps de leur père, sur le corps de leur oncle, sur le corps de leur fils, puis des fois sur le corps de leur mari. Donc, un personnage, ça va de soi. Étant donné que tout est possible, c'est possible. Est-il inévitable qu'un certain nombre d'enfants chaque année soient heurtés par des automobiles? Dans le contexte actuel de l'évolution de notre société, c'est absolument inévitable. C'est même essentiel. C'est obligatoire. Pourquoi? Comment l'homme va-t-il finir par comprendre qu'il doit cesser de tuer des enfants s'il n'en tue pas? Il apprend par essai et erreur, le pauvre. À force de tuer, il va finir par cesser de tuer. S'il serait logique, s'il serait intelligent, c'est évident qu'il ne frapperait pas d'enfant. Ouf. Quand l'enfant frappe un auto, c'est autre chose. Mais on a énormément de mortalité accidentelle au niveau des enfants parce que c'est l'automobile et le conducteur qui frappent l'enfant. C'est autre chose. Et c'est absolument con. C'est qu'on en soit encore là, mais c'est quand même ça. C'est comme arrêter de polluer quand il est trop tard, quand il y a l'effet de serre. Exact. Alors, on a d'année en année des enfants qui se font tuer en descendant les autobus scolaires, et d'année en année, on fait des campagnes, et d'année en année, on met des contraventions, et d'année en année, on en tue encore. Ben, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a pas les chauffeurs d'autobus scolaires qui les tuent, c'est les policiers qui passent. Quand c'est pas eux autres, ben là, c'est les automobilistes. Alors, c'est encore essentiel. L'humain a besoin de ça pour apprendre. C'est absolument con, absolument stupide, mais c'est effectivement essentiel. Il peut pas faire autrement. Il apprend comme ça, l'humain, pour l'instant. Quand on aura suffisamment émotivement de raisons de cesser ça, bien on cessera ça. Tant qu'émotivement, on n'est pas encore assez manipulé, bien on va continuer. On ne pense pas que ça va arriver. On n'est pas conséquentiel. Quand l'humain sera capable d'être mathématique un peu plus, j'arrête. Oui, mais il n'a pas d'enfant là, qui traverse. L'ego étant à cave, je prends l'habitude, j'arrête pareil. De rien savoir. Tu n'en frapperas plus. Même si tu dors, tu n'en frapperas plus, tu vas te programmer à arrêter aux signaux. Clignotant alternatif de véhicules scolaires, ou bien simplement quand tu passes dans une zone, ben, une petite rue, c'est plein d'automobiles. Ben, un enfant, ça peut sortir entre deux automobiles, les adultes le font. Ben, les adultes sont plus grands, tu les vois, les enfants, tu les vois pas. C'est simple, soit mathématique, ça se peut que. Le temps que tu perds dans toute ta vie à faire attention, c'est de l'énergie perdue. Mais l'énergie qu'il faut pour rebâtir un enfant, c'est incommensurablement plus. Puis si on est logique, on sauve l'énergie, pas la nôtre, l'énergie. Alors, on fait attention. Quand l'humain sera assez logique, c'est évident qu'on n'en tuera plus. Est-ce qu'il y a des mécanismes qui peuvent nous empêcher de rejoindre notre double éthérique une fois rendu dans le plan moronciel, considérant qu'on en est un? Non. Est-ce qu'il y a un danger quand c'est l'ego qui pose trop de questions? Si le mental l'observe, non. On voit des gens qui ont des conservations, des conversations seules, et donc dans ma vie, dans mon auto, parlait avec mon téléphone. Voit-il vraiment une entité qui... est invisible pour les autres? Ceux qui en voient une. Ceux qui en voient pas, en voient pas. Je n'éprouve pas le goût de converser. Pourquoi et devrais-je m'efforcer? Quand on rencontre les gens avec qui on peut parler, on n'a jamais besoin de se forcer. Une opinion sert à sa collectivité. Une opinion manipule sa collectivité. Qu'elle soit politique, religieuse ou autre. Qu'on soit contre ou pour n'est pas intelligent. Que je sache évident. Quelle est une opinion, voilà l'intelligence, exact. Vrai ou faux. C'est plein ça. Mais l'opinion ne sert pas, elle manipule. Mais on n'a pas à être pour ou à être contre. Nous, on est ce qu'on est. Une opinion, c'est une opinion. Bon, effectivement. Si le libre arbitre n'existe pas. Il n'existe pas. Je savais. Quelqu'un qui dit il faut savoir qu'on est esclave d'abord pour pouvoir agir après, ne peut donc plus agir après, puisqu'il a encore plus conscience du non-libre arbitre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le libre arbitre n'existe pas pour l'homme et n'existe pas non plus pour l'animal humain. Ce que j'entends par animal humain, c'est 99% des habitants de la planète. Et ce n'est pas péjoratif. Ils ont les mêmes habitudes que les animaux. Ils vivent en troupeau. Ils s'intéressent à leur alimentation. Ils se battent entre eux. Ils se répartissent des territoires. Les animaux pissent dans des coins. Nous autres, on met des insecticides pour séparer les frontières. Et des... Bon. Et l'être humain, c'est celui qui, à un moment donné, devient plus individuel. Celui qui commence à conscientiser. Il y a des êtres humains présentement sur la planète Terre qui ont décidé de sauver 3 baleines. Il y a un paquet d'animaux humains qui ont été émotivement pris par cela. Et il y en a qui sont simplement énergétiquement résonnants à ça. Ce sont des êtres humains. Il y a des êtres quelque part sur la planète, mais il n'y en a pas beaucoup. Alors, nécessairement, le libre arbitre n'existe pas. Mais lorsqu'un être humain s'en rencontre, qu'est-ce qu'il s'en rencontre? Pour que l'être humain le sache, il doit y avoir de l'intelligence chez lui. Il ne peut pas le savoir de par lui-même. On le lui interdit. Qui ont toute la force d'involution, c'est-à-dire la force astrale, c'est-à-dire le ciel, le monde de la mort, c'est-à-dire toutes les théologies, toutes les campagnes politiques, toutes les structures collectives. Non, l'homme ne doit pas savoir. Mais lorsque l'homme le sait, c'est pas parce qu'il l'a appris. On peut lui avoir appris, mais ça ne sert à rien. Il va répéter, « On n'a pas de libre arbitre. » Que tu fais un soir, « Oh, je vais décider d'aller voir un film. » Bon, c'est bon. Mais quand, à un moment donné, c'est évident qu'il n'y en a pas, eh bien, son ego n'en aura pas plus de libre arbitre. Mais la conscience, elle est libre, et c'est la conscience qui descend chez lui. Alors, dans quelques temps, dans pas grand temps, à un moment donné, l'humain sera libre. Mais la conscience, pas l'ego. L'ego n'a pas de libre arbitre. Non, il n'y en aura jamais non plus. Et l'humain va finir par être libre. L'être humain a un libre arbitre, pas l'humain. L'être humain, pas tout à fait. L'être a un libre arbitre. L'être humain a une conscience libre avec un corps tout à fait assujetti à cause qu'il a encore un ego. Il n'a pas fini son anégoïsation. Puis l'animal humain, non, non. Tu peux tout prévoir ce qui va se passer. Alors, on a des psychologues qui étudient comment les forces policières doivent intervenir. On a des stratèges militaires qui définissent que si on fait ça, ils vont réagir de même. On a des gars qui spécialisent dans l'armement. Tu mets une mine là. Quand ça va sauter, les gars vont se garocher là. C'est logique. Tu mets une mine là. Là, ils vont repousser en arrière. Tu en mets une là. Tu sais, ils minent les champs comme ça. Etc., etc., etc. C'est facile à comprendre. Alors, on a des barres panique pour sortir les portes. Parce que s'il y a un truc, on sait que l'animal humain se garoche comme les souris. Comme les chiens. Alors, la porte, ils n'ouvriront pas la porte. Fait que la barre, c'est une barre panique. Hein? La porte s'ouvre seule. Bon. Fait que les gens, ils tombent dehors, ils tombent en dedans. Ça peut se sortir. Bon. L'animal humain, c'est comme ça. On a présentement un procès parce qu'il y a eu des Anglais qui ont approché des gens lors d'une partie de je ne sais plus quel sport. Bon. Enfin, c'est ça, l'animal humain. C'est pas péjoratif. On les regarde faire, puis on peut constater que. Ouais. Alors, quand l'être humain arrive à une liberté, bien, dans le début, il y a une phase de transition, de lutte entre l'un et l'autre. L'esclave se rend compte qu'il est un esclave. Il va être sur le chemin de s'en sortir. Il n'est pas libre encore. Ah, mais quand même. Il peut faire une phase plus souffrante. Oui, mais ça brûle toutes les cochonneries qu'il y a en dedans. Après ça, il est libre. Lorsque quelqu'un me rend service, si je lui dis merci, n'est-ce pas bien? Non. Quoi? Bah, ça dépend évidemment des concepts. Si tu me rends service, tu payes un peu de karma. Si je te dis merci, tu as ton résultat. Karma, oui, alors. Tu recommences. Dans l'anonymat, oui. Tu élimines un peu de karma. Tu gagnes en énergie. Tu es un égoïste, ton ego. Mais quand on te dit merci, on te donne la récompense. C'est comme si tu dis, par exemple, je vais aller offrir un cierge à Dieu. Bon, tu vas à l'église, tu allumes ton cierge, ils font. Puis quand tu sors, Dieu te la remet. C'est brillant en affaire. Fait que tu me rends service, je te dis merci. Ton ego, tu es content. défaite. Comme s'il vous plaît, en passant, s'il vous plaît, c'est une des paroles les plus fausses que pas, s'il te plaît, s'il vous plaît. Peux-tu me donner de l'eau si ça te plaît? Et quand on dit si ça te plaît, ça veut dire que ça te plaît ou non, fais-le. J'étais poli. On va même dire, hey, s'il vous plaît, cesse. Ça, c'est un ordre, tu sais, là. S'il vous plaît, cesse. Parole fausse au coton. Hey, ça me plaît, cesse. Ça, c'est une parole juste, mais ça pose mal. N'empêche que dans la parole, alors on dit s'il vous plaît, puis les ci, les ça. Si ça te plaît, fais ça. C'est un peu con. Peux-tu me donner de l'eau? Puis si l'autre est logique et correct, il va dire, oh non. Puis toi, tu chioles pas, tu te lèves, tu vas en prendre. Puis s'il est correct, il va dire, bon, OK, puis il va. Il est libre. Mais on manipule, on y passe par en arrière, etc. Bon, on s'amuse. Lorsque quelqu'un me rend service, je lui dis merci, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du point de vue énergétique, ce n'est pas bien non plus du point de vue du respect de l'humain. Si tu me rends service, me rends-tu service ou bien non si tu fais quelque chose pour toi? Quand on rend service, on le fait pour soi. Il y en a qui le font pour le merci, pour pouvoir se flatter d'être utile. Mais de toute façon, réactionnellement parlant, t'es utile. T'as pas besoin qu'on te le dise, mais l'ego étant médiocre, il y a besoin qu'on lui dise. Alors l'individu qui fait un travail pour recevoir un merci, dites-lui merci. L'individu qui est suffisamment solide, eh bien, vous prenez la chose et puis c'est logique. Tu as une crevaison, je peux t'aider, je change ton pneu avec toi parce que c'est gelé, on est l'hiver, on se bat après les boulons. Puis quand on a fini, eh bien, tu ne me dis pas merci, on reprend nos automobiles puis on s'en va. C'est un acte logique, il n'est pas question de merci, je n'ai pas fait un effort. C'était évident. L'individu qui se sent émotivement appris ne fait pas d'effort non plus. Il est tellement tiroyant dedans qu'il s'en va t'aider pour arrêter de se sentir coupable. Tu ne dis pas merci non plus. Mais l'humain a appris à atténuer tout ce qu'il faisait. Alors le merci, c'est cela. Étant un trou de cul, sans toi, je n'aurais pas réussi. Alors je te vénère, merci. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Tu sais, tu donnes un cadeau à quelqu'un, il faut qu'il te dise merci. C'est ridicule. Tu donnes un cadeau, il faut qu'il s'en serve. Pas qu'il te dise merci. Si tu dis merci, il s'en sert pas, ça va pas donner grand-chose. Ben, c'est l'intention qui compte. Non, mais... Que dire d'une personne qui parle très peu? Il parle pas de toi. Hein? Pourquoi dire de quelqu'un qui parle pas? Hein? Pourquoi parler de quelqu'un qui parle pas? Il n'y a rien à dire d'une personne qui parle très peu tout à l'heure, je l'ai dit, c'est que si on ne rencontre pas les individus avec qui on a à parler, c'est possible qu'on n'ait pas à parler. Quand tu as de la conversation de corde à linge, puis que tu rencontres une voisine à côté qui a aussi une conversation de corde à linge, tu parles. Quand ces gens-là me rencontrent, ils ne parlent plus. Moi non plus. Ils ne me rencontrent pas souvent, remarque bien. Alors, tu peux être une personne qui n'a rien à dire. Puis à un moment donné, ben, c'est sûr que si tu rencontres la personne avec qui tu as à parler, vous allez vous réchauffer, tu auras de quoi parler. Mais ce n'est pas la quantité de mots, nécessairement, qui va déterminer quelque chose. Alors, il n'y aura rien à dire sur une personne qui n'a pas grand-chose à dire. À un moment donné, elle va commencer à parler. Quand ça va être son temps? Quand elle va rencontrer les bonnes gens. Elle parle de sujets qu'elle aime, qu'elle connaît, ou des choses qui l'intéressent. N'importe qui n'a rien à dire. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est l'affaire. T'aimes-tu ça? Non. Parlons-en pas. Quel sport tu fais? Là, OK. T'aimes ça? Oui. Ah, oh. On parle de la tabarnouche. Bon, c'est la même affaire du point de vue du mental. Quand l'individu va rentrer dans une corde qui lui plaît, ou ce qui se nourrit, ou ce qui s'énergise, c'est évident que la parole, elle va venir. Puis là, il faut que fasse attention pour avoir une parole juste. À quoi reconnaît-on une parole juste? Vous dites que l'homme qui se conscientise a besoin d'une parole. D'où lui vient cette parole? D'où vient l'homme? La parole vient de la même place. D'où vient la parole? On revient à la fin si on a le temps. J'aimerais finir les questions parce que ça peut être assez long. Quand on disait au Nazaréen, dis seulement une parole et je serai guéri, est-ce que le Nazaréen guérissait par le verbe ou juste par sa présence? Un individu qui entre en contact avec un être humain qui a une fusion en cours ou qui a une fusion presque terminée avec son double éthérique, donc l'individu qui est en fusion a énormément d'énergie vitale, on a déjà expliqué souvent. Il a énormément d'énergie vitale. Cette énergie vitale-là transpire à un point tel que ceux qui s'approchent de lui sont automatiquement transmués. Donc, ils, normalement, sont guéris. Par contre, seuls ceux qui vivent du même faisceau espritique que le Nazaréen peuvent être guéris. C'est pourquoi le Nazaréen demandait aux individus, « Est-ce que tu crois en moi? » En voulant dire, « Est-ce que ta conscience évolue dans le même faisceau d'énergie que le mien? » Et l'individu qui avait un contact espritique avec le même faisceau, il y en avait 14 à l'époque, il y en a 13 aujourd'hui, dont 12 majeurs et un presque résorbé. Lorsqu'un individu disait « dis seulement une parole et je serai guéri », elle avait besoin d'entendre de l'énergie, elle avait besoin d'avoir de l'énergie du Nazaréen. Une énergie qui ne faisait pas partie de son double éthérique en fusion avec son corps physique, donc l'individu qui demandait « dis seulement une parole et je serai guéri » ne faisait pas partie du même faisceau esprétique que le Nazaréen. De ce fait, il ne pouvait être guéri au simple contact de l'énergie du Nazaréen. Le Nazaréen devait donc transmuer l'énergie en par son centre laryngé en un système oral qui pourrait permettre la communication à travers l'air de la vibration, de façon à ce que l'individu la capte, la boive, l'absorbe et se guérisse lui-même. Et c'est pourquoi la personne qui entendait le Nazaréen voulait avoir une parole particulière, une parole ajustée, une parole clé. Alors le Nazaréen disait une parole, ajustait l'individu, et l'énergie vitale qu'il dégageait était donc maintenant adaptée au faisceau de l'individu qui venait lui poser la question, et c'est pourquoi celui-ci était guéri. Quand le Nazaréen acceptait de guérir. Dans le quotidien, on se pose des dizaines de questions. Comment doit-on les trier pour ne garder que les véritables questions, celles qui sont une clé? Toutes les questions que l'on se pose, si on les pose oralement, on va éliminer immédiatement toutes les questions qu'on n'a pas à se poser. C'est-à-dire ceux qu'on nous pose dans notre tête, mais qu'on ne se pose pas, puis avec qui on est pris. Posons-les oralement. Quand tu les poses oralement, tu sens que ça sonne faux en le sortant. Tu vas le savoir immédiatement. C'était pas la bonne. Tu élimines tout ça. Puis, quelle que soit la question, il ne faut jamais avoir la fièvre de la réponse. Pose n'importe quelle question, mais n'exige pas la réponse tout de suite. Tu poses la question. La meilleure façon de poser une question, c'est de la poser en l'écoutant. On pose la question ici. D'où vient la parole juste? La personne pose la question. D'où vient la parole juste? Elle écoute, voilà, s'il n'y aura pas une réponse. Elle recommence. Est-ce que la parole juste vient de l'intérieur de l'homme? Là, tu as une vibration qui te dit oui ou qui te dit non. La parole juste qui vient à l'intérieur de l'homme, tu vibres faux. La parole juste qui vient à l'extérieur de l'homme, tu vibres faux. La parole juste qui vient des deux places, c'est bon. La parole juste qui vient des deux places, vient de où? Tu comprends? Mais là, tu es en train de cheminer dans tes questions puis tu goûtes à des réponses. N'importe quel être humain devrait toujours poser une question, comme on le fait là. Tu poses ta question, puis tu écoutes voir ce qu'elle fait. Puis tu essaies avec d'autres mots, subtilement, change voir. Puis à un moment donné, tu vas arriver avec une question, schnack. Puis tu vas dire, ah oui, ça te plaît. Puis là, lui-même, le diable va dire, ouais, mais qui je suis, moi, pour savoir? Mais si quelqu'un te le répond, qui t'es pour savoir qu'il a raison? Mais ça tant qu'à jamais savoir rien, puis te donne à toi un peu. Ça te prend un entourage qui, quand même, comprend un peu ce que tu es en train d'essayer de faire. Non, ça ne prend pas d'entourage, pas en tout. Parce qu'ils vont se faire créer dehors. C'est ça. Commence à poser des questions comme ça à quelqu'un que te poser des questions. Oui, mais quand tu es un entourage de moindrement convenable, eh bien, tu leur poses des questions. C'est comme j'ai déjà expliqué pour réchauffer un ajusteur de pensée. On fait le jeu des questions. Je te pose une question, tu m'en poses une meilleure que la mienne. Je t'en pose une meilleure que la tienne. Tu m'en poses une meilleure que la mienne. On répond jamais. Alors là, on se réchauffe. Là, on monte. C'est extrêmement énergisant. Mais ça te prend un collègue, un partner, ça te prend quelqu'un avec qui tu vas faire un collègue, un partner. Parole fausse. Quand on parle des anglicismes en passant, ça parle des paroles fausses. On ramasse ce qu'on a rentré quelque part, puis on le sort de même. Un collègue, c'est très bien. Un partner, ça sert à rien. Un collègue. Ça te prend un collègue, un partenaire. C'est pas un synonyme. Non, un collègue, c'est pas nécessairement un partenaire. Mais un partner. Mais ça te prend quelqu'un avec qui tu vas pouvoir parler comme ça librement, quitte à dire des conneries de temps en temps. Ah, il faut dire des conneries. Il faut qu'on vide l'eau froide avant que l'eau chaude arrive. Il faut qu'on dise, il y a des conneries qu'on va dire, on n'a pas le choix. Si tu n'as pas cette personne-là, si tu n'as pas quelqu'un que tu connais comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu te poses des questions, puis tu t'écoutes. Tu t'appelles. Il faut que l'être humain cesse d'envisager l'idée qu'il est plate. Comment veux-tu que je m'ennuie pas, je suis tout seul? Bon, ben, je ne veux pas te voir, crime. Si tu es plate à ce point-là, moi, je ne veux pas te voir. Clic. Ben, m'allez voir le gars qui est plate, qui s'ennuie tout seul. M'allez le voir, moi. Moi, je m'ennuie pas, je suis tout seul, j'ai du fun, puis viens pas. Bon. Alors, pose-toi des questions, parle-toi. Si tu te trouves plate, toi, pourquoi un autre te trouverait plaisant? Non, mais j'ai un de mes oncles qui a fait ça, puis ils l'ont enfermé dans un grand hôpital. Ouais. C'est évident, ça fait peur à l'humain de rencontrer quelqu'un comme ça. C'est très épeurant. J'aimerais mieux m'acheter un répondeur. Il m'expliquait ça tout à l'heure, il parle souvent tout seul dans son automobile, mais pas que les gens pensent qu'il est fou, il prend son combiné de téléphone, puis là, il parle dans son téléphone. Il y a même un téléphone main libre. Et quand il y a du monde, il préfère pas parler avec le téléphone main libre parce que les gens, ils voient jaser. Il prend un téléphone et il parle bonheur. Hein? C'est bien. Je m'appelle. C'est ça, il t'appelle. Parce que quand tu conduis, t'as bien des idées qui te passent dans la tête. Fait que le meilleur moyen pour moi de me débarrasser des idées, c'est de prendre le téléphone et de m'appeler. Oui, le téléphone, c'est pour l'ego. Très intelligent, l'ego n'est pas capable de parler tout seul. Fait que le mental dit, tiens, le cas, prends le téléphone. Non, c'est vrai. Après ça, le mental, il marche. Et c'est comme ça qu'on doit fonctionner. L'idée, c'est pas de se frustrer d'être de même. Mon ego, il est con. Bon, là, je pourrais parler, puis... Faut que je parle. Tiens, prends le téléphone, le câble, tiens, allez. Faut que je parle. Fait que là, il se met à parler, puis là, c'est le résultat qui a besoin est correct, puis l'ego, ben l'ego, il finit par se trouver con, à un moment donné, il finit par passer. Ça fait 6 mois que je l'ai, j'ai pas de facture de longue distance, par exemple. Dire « laisse la chose libre, si elle revient, elle t'appartient » est faux. Ben oui, c'est évident que c'est faux, là. Je disais un truc que bonhomme avait dit à un moment donné, là. Ah, ça va rien, ouais, t'as vu ça, d'abord. Non, oui. Si la chose te revient, ça t'appartient plus libre, hein? Bon. Si elle part une deuxième fois... Exact. Et qu'elle t'appartient quand elle te revient, moi, si tu te dis. Mais non, c'est ça, ta question. C'était une belle parole qu'un grand philosophe a dit, et ça l'a mis du baume sur le cœur de bien des gens, la première fois qu'ils ont rencontré quelqu'un. Quand la personne leur a appartenu, puis que la personne est encore partie, bien là, ils se sont rendus compte que le philosophe, il n'a pas vécu assez longtemps. C'est tout. Mais c'est extrêmement intéressant, l'individu apprend à se fier à lui un peu plus. C'est une belle parole. C'est très joli. Ce que tu aimes, laisse-le libre. Net. S'il te revient, elle est à toi. Non, s'il te revient, c'est parce que tu le laisses libre. Elle possède-le pas. S'il te revient pas, il t'a jamais appartenu. Ben, c'est évident. Mais même s'il te revient, il t'appartient pas. Je l'ai dit souvent, t'attaches deux oiseaux un à l'autre, ils ont 4 ailes, ils peuvent plus voler. Devant une situation où j'ai raison, mon patron a peut-être tremblé, mais dû à son droit de gérance, il m'a donné une job ridicule. Donc, quelquefois, il est plus intelligent de sa tête. Dans 5 ans d'ici, qu'est-ce qui va rester de cette journée? Votre évolution ou le travail? Si on passe sa vie à se taire pour avoir un résultat matériel, 5 ans après, 10 ans après, tout ce qu'on peut faire, c'est regretter. Lorsque lui, il a répondu d'une façon convenable, le patron a tremblé et lui a donné un travail con. Qui gagne celui qui parle? Oui, mais j'ai eu un travail con. Preuve que j'ai raison. Tu l'as eu quand il va être passé. S'il l'aura pu, il va rester ta conscientisation, pas le travail. Il faut faire attention avec l'idée de toujours vouloir conquérir la matière ou l'événement même. De temps en temps, il faut s'ajuster, ça va de soi. De temps en temps, on doit faire comme si on avait une parole fausse. Mais à un moment donné, sachant une chose, travaillons sur ce qui va rester. Et vous allez rester à travers le temps, pas les événements. Alors, de temps en temps, on doit brimer un événement pour se former. Est-ce que le séminaire intensif que vous donnez est axé sur la parole? Il est axé sur tout ce qui nuit à l'humain et tout ce qui peut l'aider. Pourquoi les gens qui sont présents à tes conférences et qui te comprennent ne parviennent-ils pas à changer leur environnement? Ils ne sont peut-être pas encore assez puissants. Et ceux qui sont assez puissants sont peut-être trop écologiques et ils ne pensent pas qu'ils ont la mission de changer leur entourage. Expliquez-moi l'esprit de conscience d'être esprit. Véhicule humain après la mort, l'esprit à ce moment a-t-il la conscience, est-il conscient d'être? Je réponds brièvement, on peut se référer à plusieurs conférences sur comment survivre à sa mort, la mort n'existe pas, etc. L'esprit a de la conscience, mais l'esprit dans la matière est absolument rien d'autre qu'un verre d'eau. Si l'esprit n'est pas communiqué par l'homme, l'esprit ne vaut rien. Et c'est pourquoi l'esprit tient tant à se connecter à l'homme. Et l'homme sans l'esprit est aussi de la chair. La chair est de la mémoire. Ce qui lui donne un petit avantage, il est de la mémoire. Mais la mémoire sans l'intelligence, sans l'esprit, n'est pas instantanée. Elle ne peut connaître que ce qu'elle a appris, ce qui limite énormément son savoir. Ce qui l'oblige à expérimenter, inlassablement tout le temps. Et on n'est pas là pour cela. Lorsque le corps physique est mort, il y a l'âme. L'âme gagne le monde de la mort. Si l'âme traverse la structure du monde de la mort et pénètre le ciel, l'âme meurt. Elle est digérée dans le monde de la mort. Et comme l'a dit les religions, vous rejoignez ceux que vous avez connus pour l'éternité. Effectivement, vous êtes totalement digéré. Le processus réincarnationnel engendrera une fusion totale de différents phénomènes mémoriels, et c'est pourquoi l'être humain qui se réincarne ne se rappelle plus qui il a été. Celui qui a un double éthérique, lorsqu'il va dans le plan, lorsque le corps physique meurt, gagne le plan moronciel, le plan de transition, où les êtres de lumière du monde de la mort viennent le chercher, et il voit une lumière plus puissante, son double éthérique constitué, il le rejoint. Il se réincarnera, se rappelant qui il était. Expliquez-moi l'esprit de conscience d'être esprit. L'être humain est de l'esprit, sauf qu'il y a un facteur mémoriel dans le corps de l'homme, l'âme. Et chaque fois que l'esprit donne un petit peu d'information au corps, parce que le corps n'est pas encore assez solide et assez constitué pour recevoir convenablement, L'arbre s'accapare de l'information et prétend être celui qui va gérer l'information, sinon celui qui a créé l'information. Et cela crée une perturbation totale au niveau des structures même du corps physique, parce qu'à un moment donné, le corps physique ne sait plus à qui réagir. À la mémoire des contacts espritiques, l'âme, ou à l'esprit. Nous sommes des postes de radio et il manque des ajustements au niveau du condensateur variable qui sert à recevoir les ondes. On veut se brancher sur une onde particulière et on est un peu à côté, un peu croche. Et on a des palettes un petit peu qui se touchent. On a ceci, on a cela. Aujourd'hui, on a amélioré au niveau électronique, mais ça donne un bon exemple. Quand on défaisait les vieilles télévisions, les vieilles radios, il y avait un paquet où il y avait le piton pour changer les postes, un paquet de lames qui se croisaient. C'est un condensateur variable. Et on est un peu comme cela. Pendant un bout de temps, on reçoit toutes les interférences autour, puis on pense que c'est ça. À un moment donné, il rentre une parole, puis là, on pense que la parole vient des interférences. Et le temps que ça s'ajuste, le temps que la radio s'améliore, le temps que le corps s'améliore, il y a une mémoire à l'intérieur qui est l'âme, qui ramasse tellement d'informations que quand le corps est presque prêt, qu'est-ce qu'on chante? C'est la mémoire en dedans. Les parasites, les cochonneries, les paroles de temps en temps, plutôt que de laisser couler une eau neuve. Alors l'esprit, lui, a toujours conscience d'être dans un corps comme sans corps physique. L'âme, elle, à l'instant où elle pénètre le monde de la mort, perd totalement la conscience de son être-té. C'est pourquoi l'âme a tellement peur de la mort. Puis le corps physique, ben ça, c'est une série d'atomes, simplement. Les apparitions sont-elles l'ombre d'une autre dimension? Il y a des mondes parallèles et des mondes de d'autres dimensions. Une dimension est une expression géométrique d'une création. Ça, c'est une dimension. Le temps est une dimension. La hauteur est une dimension, la largeur est une dimension, l'épaisseur est une dimension, il y a 13 autres. Enfin, il y a 13 autres. Il y a 9 autres dimensions. 13 en tout. Un monde parallèle est un monde qui vit dans des dimensions peut-être similaires aux nôtres, mais qui, dans un déphasement au niveau de son expression, vit dans le même temps, dans le même espace, sans nous nuire, ou à peu près pas. Alors, lorsqu'une personne voit une apparition, cela peut être un phénomène des mondes parallèles, comme le monde de la mort, qui, étant de l'énergie vitale de l'individu, arrive à créer un ectoplasme, une apparition. Cela peut être énormément de choses. Mais effectivement, cela provient de mondes parallèles, mais pas de d'autres dimensions. La très grande sensibilité de certaines personnes leur permettra à un moment donné de sentir un savoir supramental. Et pourtant, tu dis de manger des aliments vitalisés pour épaissir leur esprit, pour qu'ils soient moins sensibles. Explique-moi mieux ce paradoxe dans tes paroles. Ce n'est pas par l'enveloppe périsprétique que l'intelligence supramentale passe, c'est par un ajusteur de pensée qui va venir faire vibrer une partie cérébrale qu'on appelle la glande pinéale et qui va engendrer une vibration au niveau de l'hypothalamus et du thalamus, qui est le facteur expressif de l'ego et de l'âme dans le système endocrinien de l'homme. Le périsprit, lui, est l'enveloppe du reste du corps et c'est par le périsprit que la majorité des manipulations d'ordre astral, donc involutif, viennent à l'homme. Alors, on a une chaudière d'eau et il y a l'eau extérieure, l'extérieur à votre corps, et il y a l'eau intérieure, votre âme. On divise la chaudière avec une membrane de cellophane, une petite membrane mince. Chaque fois qu'on tapoche à l'extérieur, l'eau, il y a une onde qui est créée dans l'eau. Lorsqu'on fait avec cette membrane, eh bien, ça recrée la correspondance de bord, chez vous. Si on met une planche de bois, le périsprit, l'enveloppe est plus épaisse, et plus lorsqu'on tapoche, ça ne paraît pas l'autre bord. C'est pourquoi l'être humain doit développer son périsprit pour cesser d'être influencé, manipulé par l'astral extérieur, par toutes les conditions extérieures. Et l'ajusteur de pensée, l'intelligence supramentale, ne passe pas par cette partie du périsprit. Elle passe par un canal, l'ajusteur de pensée, qui existe déjà, qui est une espèce de tube, de tuyau, qui sort du périsprit, qui est normalement branché sur le canal réincarnationnel, qui va se détacher pour se brancher au plan moronciel, au plan astral et finalement au plan supramental. Un missionnaire est prisonnier des cannibales. On lui pose la question suivante. Comment veux-tu en finir? Comment veux-tu finir? Si tu mens, ce sera la broche. Si tu dis la vérité, ce sera bouilli. Quelle parole juste emploiera-t-il pour être sain et sauf? Très bonne conférence. Ça dépend des sauvages qui nous entourent. Chose certaine, s'il prétend être Satan ou le diable de leur tribu, vrai ou faux, on le mangera pas. Qu'y a-t-il de véridique dans la doctrine du spiritisme, je vais dire le mot, Colin Kardec, qui communique avec les désincarnés? Est-ce dans le domaine du possible? Si oui, ces entités sont-elles dans le monde moranciel? Il doit y avoir plusieurs paliers, vu qu'il y aurait d'autres... Bon, ça, on peut pas peine d'aller plus loin. C'est OK, ce bonhomme a écrit plusieurs livres, qu'on connaît, que quelques-uns connaissent. Et qu'est-ce qu'il y a? Bon, premièrement, est-ce que ça se peut? Ça se peut. Manipulation totale, illusion, absolument. Et différents plans. Il y a différents plans au niveau du monde de la mort. Est-ce utile? Absolument pas. Est-ce nuisible? Non, énormément dans la majorité des cas. Alors, c'est Alan Kardec.